Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, le podcast qui ne se fait pas filer par la SQ. Faisait des expériences de cheveux. Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, le podcast qui prend vos questions et tâches d'y répondre. Avec nous ce soir, j'ai mes deux collaborateurs de toujours. On a fini par réveiller Vincent. Ça va bien, Vincent? Oui, ça va bien, toi? Oui, pas mal. C'était la place de Corinne Côté qui était beaucoup plus jolie que toi, mais au moins. Oui, beaucoup plus jolie que moi, je dois dire. Voilà. Et avec moi aussi, Jean-François Roy. Ça va bien, Jean-François? Oui, ça va bien, toi? Oui, pas mal. Passez une bonne semaine? Oui. C'est assez tranquille, là. Oui. J'ai hâte à mes vacances, là. Je voulais juste savoir si tu avais vu. On sait que Dean a changé de iOS à Android récemment. Mais cette semaine, en fait, il a fait un autre tournant. Il a complètement changé d'avis au niveau politique. Tu en discuteras avec lui. Oui, je sais. Okay, je pensais que tu allais dire, genre, il est reparti d'Android à iOS. J'étais comme, non, c'est impossible. Là. NFC, faut le rappeler. Là. Dès que ça va arriver, je pense. Oui, il a fait un petit tutoriel, d'ailleurs, mais pas sur Mac Québec, pour débarrer son ordinateur grâce à ça. Fait que c'est cute, mais c'est à peu près une des seules bonnes... Ah, ben, regarde, toi. Oui, c'est ça. Ça, c'est une utilité intéressante. Mm-hmm. Voilà. Sinon, est-ce qu'on a des questions? Ben, Vincent, est-ce que tu veux nous parler vite de l'infographie que tu as faite cette semaine? Oui, j'ai fait une infographie pour... on ne sort pas souvent les stats de Mac Québec à Mac Québec. Fait qu'on a décidé de le faire. Puis nous aider en même temps à contacter des commanditaires possibles ou des personnes qui voudraient faire de la publicité sur le site de Mac Québec. Donc, on avait décidé de faire une infographie. On l'a publié finalement. Ça fait peut-être deux semaines que c'est disponible à l'interne là, dans Mac Québec. Mais on a décidé de le mettre à tout le monde pour que tout le monde puisse le voir. Finalement, une infographie, c'est le fun que tout le monde puisse le voir. Là. Visuellement, c'est intéressant. C'est ma première infographie, donc je suis content du résultat. Elle est très belle aussi. Vraiment, là. Fait que c'est ça. Si jamais vous en avez besoin de quelque chose d'un peu plus grand, puis vous voulez être commanditaire de Mac Québec d'une certaine façon, contactez-nous. Il y a un courriel sur l'article que j'ai écrit. C'est vente@macquebec.com, vente sans le S, je crois. Donc, c'est ça. D'ailleurs, cette infographie-là, on ne vous dira pas tout de suite avec qui, mais on est allé rencontrer des gens. Et puis, il y a peut-être des belles choses qui vont sortir de ça. En attendant, c'est Noël, messieurs. Et je vous l'annonce, ce soir, tous les gens qui nous écoutent, en fait, jusqu'à concurrence de 20, disons, vont se mériter une application. Une réaction, quelque chose? Laquelle? Montréal Avant. C'est une application très intéressante qui utilise la réalité augmentée. Donc, cette application-là, la première chose qu'elle fait, c'est que quand vous vous trouvez proche d'un point qui est dans leur base de données, elle vous envoie une notification. Par exemple, si vous êtes sur Saint-Laurent, un peu en bas de Sainte-Catherine, proche de la SAT, il y a un parc qui est là. Mm-hmm. Et l'application vous propose en fait de regarder le parc à travers votre iPhone et vous montre qu'est-ce qu'il y avait là avant. Donc c'est-tu un peu comme l'application Radio-Canada, le 360, ou c'est quelque chose de plus réalité augmentée que ça? J'avoue ne pas l'avoir essayé encore. On va avoir des codes nous-mêmes, messieurs, donc on va pouvoir l'essayer. Problème avec ça, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouvais que c'était une utilisation de la réalité augmentée qui avait une valeur ajoutée. Là, c'était quand même pas mal intéressant de l'utiliser de cette façon-là. Mm-hmm. Fait que, c'est une bonne idée. Je vais vous laisser vous battre pour les codes comme comme on le fait des fois. Je vais On pourrait peut-être juste demander au monde de nous écrire à podcast@macquebec, peut-être. Comme ça, ce serait plus facile de répondre. Vu qu'on donne un code pour chaque personne, on pourrait juste leur envoyer un code pour chaque courriel. Je te forward le email, mon cher. C'est bon, envoyez-moi un courriel à podcast@macquebec.com puis je répondrai avec un code. C'était bien combien je suis absolument zéro fiable pour... pour envoyer des choses. Pour ces Ouais, hey, c'est vrai, en parlant de ça. C'est absolument horrible. Donc, on peut commencer... C'est podcast avec un S, pas de S? Avec un S. Parce qu'on a plusieurs podcasts. T'es sûr? Non. Non, c'est pas, il n'y a pas de S. Je te laisse regarder ça. En attendant, JF, on a des questions cette semaine? Oui, on a... on a attendu un peu, j'ai descendu. OK, le monde, depuis l'arrivée de Mountain Lion, on se fait beaucoup poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la mise à jour ou si je fais une installation, un clean install, comme dans le bon vieux terme veut dire? c'est mitigé par certaines personnes, mais moi puis Alexis, Vincent, je ne sais pas trop, mais moi puis Alexis, on est fort sur le clean install. Là. C'est comme on prône ça parce que je veux dire, c'est beaucoup mieux de faire un clean install que de faire une mise à jour de, mettons, de 10.7.4 à 10.8. Des fois, il peut y avoir des fichiers qui se mélangent dans l'installation de la nouvelle version. Alors, on dit à tout le monde de tout le temps faire un clean install. Faut dire au monde, faut faire un backup. Faut faire un backup de son système. Vous avez l'outil qui s'appelle Time Machine, qui est propulsé par Apple. Alors, vous pouvez faire un Time Machine ou vous pouvez utiliser celui qui est rendu payant. Là. C'est quoi, donc? Carbon Copy Cloner ou Super Duper. Super Duper, oui. Très bon logiciel. Ce qui est intéressant avec ces logiciels-là, c'est que, par exemple, si on se retrouve devant un disque dur qui est corrompu, par exemple, le disque dur a eu ce qu'on appelle communément en bon français un pinch. Peut-être que le disque dur a été trop brassé et l'aiguille du disque dur a donné un coup sur la surface du disque, a donc corrompu quelques données. Eh bien, Carbon Copy Cloner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de copier le plus de données possible, même s'il tombe sur un fichier qui est corrompu, il va passer par-dessus et il va terminer le backup. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Ce sont des logiciels aussi qui sont programmables pour faire des backups incrémentales au X nombre de temps. C'est pas tout à fait la même chose que Time Machine. C'est plus puissant que les backups Time Machine parce que les backups faits par Carbon Copy ou par Super Duper sont bootables. Ce qui veut dire que si votre disque dur pète en plein milieu d'un projet, il est possible de booter avec une image parfaite de votre disque dur sur un disque dur externe. Booter veut dire ouvrir l'ordinateur en utilisant, si on veut, comme système de démarrage, celui qui serait sur le disque dur externe. Donc, c'est un outil qui est très puissant. Puis la trentaine de dollars maintenant qu'il demande pour vaut la peine. C'est pas un logiciel qui change de version extrêmement souvent. Il y en a eu une, la version 3.5 qui est sortie il y a deux semaines. Il y a la version 3.5.1 qui est sortie lundi, je pense. Oui, mais les troisièmes décimales, les bugs. Oui, c'est ça. Ouais. Dedans, ils ne te chargent pas entre 3.5, ils te chargent en 3 et 4. Oui. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Faire un clean install dans n'importe quel système, puis peut-être après réimporter votre utilisateur, c'est s'assurer en fait que si on trouve des problèmes, ben ils vont être seulement au niveau de cet utilisateur-là, parce que le système, lui, va être totalement clean. Alors que si vous faites la mise à jour, vous pourriez vous retrouver avec des petits problèmes de vieillesse du système qui se retrouve avec. C'est vrai que moi et JF, on prône la réinstallation d'un système clean. Par contre, c'est absolument pas ce que j'ai fait pour ma part. Moi, j'ai fait les mises à jour le plus dirty que je pouvais. Je suis passé de version bêta en version bêta sur un système J'ai vraiment fait ça là, pour être dans le trouble et j'en ai pas trop eu, honnêtement. Donc, je suis bien content. Ah, c'est bien. Fait que t'as pas perdu de performance au démarrage? Est-ce que ton SSD est plus lent au démarrage vu que tu as fait ça ou as-tu vu une différence? Pendant toute la période où j'ai été avec 10.7, mon SSD était dans la seconde B, dans mon module d'iFixit, donc connecté au port du lecteur CD. Mm-hmm. Et si je ne me trompe pas sur le modèle que j'ai, le port du lecteur CD, c'est un SATA 1.5. Donc, j'avais des performances optimales sur mon SSD. Et quand j'ai passé à 10.8, que j'ai migré en fait d'un disque dur 640 gigs à 750, j'ai switché les disques durs de port. Pour être honnête, je trouve ça, parce que j'en ai vu des disques durs d'Apple, tu fermes, tu rouvres, t'as pas le temps de cligner des yeux. Honnêtement, quand je ferme mon ordinateur, ça prend quand même du temps pour le rouvrir. C'est pas si lent que ça. C'est quand même relativement rapide, mais je pense qu'on avait sorti les stats de mon SSD, puis c'était pas mal en retrait de ce que vous avez acheté. Là. Je regarde peut-être pour un M4 éventuellement. Mm-hmm. Ouais. Le mien n'est pas si vite que ça normalement, puis maintenant, à cause du gros clean, ça fait une grosse différence sur mon SSD maintenant. Là. Sauf que vous n'avez pas le même taux de transfert que moi. Comment ça? Non, je pense pas. Mais je pense que ça m'avait coûté un petit peu moins cher, puis toi, tu l'avais acheté un petit peu après moi. Non, mais je parle du taux de transfert du SATA dans votre ordinateur. Je pense que vous autres, c'est des 3 gigabits. Ah ouais. Des 3 gigabits. Moi, c'est un 6 gigabits que j'ai dans le mien. Ouais, ben moi j'ai un 6 gigabits, le SSD 6 gigabits, sauf que mon ordinateur me le permet pas, il est juste à 3, fait que j'en profite pas, mais je vais pouvoir l'utiliser quand je vais changer de machine un jour. Moi, quand je boot mon MacBook Pro, ça prend 8 secondes. Oh. Ben, ça m'en prend 10. Ouais. Ben 12, plus ouais, 12. Okay. Le SSD est rendu au prix où est-ce qu'ils sont, là, parce que, bon... À, je dirais, le 240 gigs et moins, là, c'est quand même relativement achetable. Le Crucial M4, je pense que c'est ça, c'est un 200 quelques gigs pour environ un petit peu en bas de 300$. Donc, puis j'attends. C'est rendu intéressant les prix, là, les SSD, parce que les disques durs sont encore quand même assez chers. Mmh. Il avait augmenté à cause de la pénurie qu'il y avait il y a un an et demi à cause des inondations. Puis ben là maintenant, ça s'est réglé cette histoire-là, puis ils ont décidé de garder les prix parce que là, il y a comme c'est fou. Là. Il y a Western Digital, il y a Seagate, puis Seagate a comme racheté Samsung, Hitachi, plein d'autres compagnies différentes. Je sais pas quelle a acheté quelle, mais je veux dire, ils ont mis la main sur tous les disques durs. Puis on fait des ententes avec des compagnies pour pouvoir s'assurer de par exemple dans un ordinateur de s'assurer qu'il y ait assez de disques durs pour les ordinateurs, donc qui gardent le marché très haut, ce qui donne la place pour les SSD d'avoir une bonne en fait le seul avantage des disques durs en ce moment, c'est que c'est moins cher pour une grosse capacité. Les SSD, ben là, s'ils gardent les disques durs assez hauts, les prix, c'est plus avantageux d'aller dans les SSD en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est pratique. Puis, j'ai un truc pour vous, là, en passant. Pour ceux qui se magasinent des disques durs cheap, là, qui se foutent un peu si la qualité est bonne ou pas, là, pour des backups, par exemple, allez dans des grosses compagnies que je nommerai pas, qui vendent beaucoup d'électronique, puis achetez des disques durs externes. Souvent, ils font des spéciaux à 2-3 teraoctets. Vous faites juste enlever le disque dur à l'intérieur, puis vous le mettez sur votre machine. On s'entend, c'est des 3,5 pouces. Là. Donc, c'est pratique pour des backups, par exemple. Si vous avez besoin ou sinon de, je sais pas, plusieurs disques durs dans une machine externe. Mais c'est vraiment moins cher, puis on s'entend, la qualité, c'est pas extraordinaire parce que justement, ils vendent moins cher. Mais vous avez plusieurs disques durs pour des backups, par exemple. Fait que je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup plus simple. Là. Ou si vous avez des machines Windows aussi, là, faites ça, c'est pratique. Puis ça coûte bien moins cher qu'acheter un disque dur à 200-300$ pour une qualité si vous foutez un peu de la qualité. Là. Ouais, sinon, je pense qu'on va recevoir chacun un disque dur Kingston de 240 gigs provenant de chez OrdiGénie à Sorel-Tracy, qui sont là-bas à 259$. que c'est vous dire comment les prix ont descendu. Donc, si vous êtes dans le coin, allez dire bonjour à Éric Paquin. Bon, ben on va envoyer nos adresses tantôt. Fait que, oui. On attend ça la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sinon, au niveau questions, qu'est-ce qu'on a d'autre, Jeff? on a une question à propos d'un iPad. Est-ce que normal que mon nouvel iPad soit plus jaune que celle de la première génération? Un ajustement de la colométrie à venir par Apple ou c'est l'appareil lui-même? Alexis, ça va être plus toi ou Vincent, parce que j'ai pas d'iPad encore. J'attends mon mini iPad. J'ai très hâte de voir si Apple va venir avec ça. Mais la dalle qui est utilisée, on est passé avec un écran qui est maintenant Retina, mais la dalle qui est utilisée comment ils appellent ça déjà? Le degré, je crois. La température, en fait, de la dalle est un petit peu différente. Donc, oui, il y a une espèce d'abord, si ton iPad de première génération a un casque jaune, c'est peut-être un problème sur la dalle du iPad. Un casque jaune. OK, qui a un effet. OK, ouais. Par-dessus, c'est un espèce de petit filtre par-dessus, là. Si je me souviens bien, c'était un problème qu'il y avait avec les écrans LG sur les iPads de première génération, mais ou peut-être de deuxième génération, je me souviens pas. De deuxième génération, j'avais eu un problème, puis souvent, des fois, le contour aussi peut y avoir un problème de luminosité. Des fois, c'est un problème de colle ou justement un écran, quand tu écoutais un film, puis il faisait noir alentour, mais là, tu voyais une ligne blanche, puis ça, il change automatiquement dans un Apple Store. La lumière qui fuit, en fait, de l'écran, c'est scellé, en fait. Oui, c'est normal, en fait, que l'écran puisse avoir une couleur différente. C'était tout, la question? Oui, c'était juste ça. Prochaine question, ça vient de Yann Pelletier. Est-ce que je suis le seul avec iCloud et Safari qui ne synchronise pas tout? J'ai lu vite son message. Il parle de avec la nouvelle version de Safari, la version 6 et la version de iOS. iCloud est intégré presque totalement dans le système. Alors, vous avez je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais vous avez la liste de lecture, ouais, on va l'appeler de même, de reading list, qui est synchronisée à chaque fois que vous utilisez, mettons, sur votre iPhone, sur votre iPad, et que vous faites le switch au contraire, mettons, sur Safari, sur votre Mac, et il va être synchronisé sur votre iPhone, iPad. Ça synchronise automatiquement. Fait que vous voyez toutes vos tables que vous utilisez. Fait que vous pouvez continuer de travailler sur votre portable. C'est deux choses différentes, par exemple, ça. La reading list qui se synchronise, c'est une chose, mais les tabulations qui vont passer d'un appareil à l'autre, dans iOS, sur iOS, ça va être dans iOS 6, si je me souviens bien. Mm-hmm. Et c'est déjà intégré dans Safari 6. C'est le petit bouton nuage. Donc, tu choisis un onglet et tu décides, en fait, si tu l'envoies dans les nuages pour pouvoir le consulter sur tous tes appareils. Tu sais, mettons que tu n'as pas fini de lire quelque chose ou tu vas aller lire plus confortablement, ben tu peux le switcher facilement comme ça. Non, il y a beaucoup de gens qui ont des petits problèmes avec ou même des gros problèmes. Dans le cas de JF, ton iTunes in the cloud a eu un petit peu de trouble avec. On a jasé avec quelqu'un cette semaine justement sur Twitter qui avait eu un problème comme ça. Puis ce que j'y ai dit, c'est désactive. Lui, il a tout réinstallé. Il est allé chercher iTunes avec Pacifist, là, qui est en tout cas, il s'est cassé le basic à tout réinstaller. Puis moi, j'avais en fait, j'ai vérifié. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de la musique sur mon ordi. Mm-hmm. Effectivement, en fait, toutes mes chansons étaient en gris. Puis je pouvais pas y accéder. Puis j'ai fermé iTunes in the cloud, je l'ai réactivé et à ce moment-là, toutes mes chansons sont revenues, mais ça semble pas être parfait. Là. Il y a quand même des petits bugs à peaufiner là-dedans là, en tant que tel. Oui, parce que moi, c'est vas-y. Mieux. Oui, quand même. Moi, personnellement, je l'utilise même pas iTunes in the cloud. Là. J'utilise tellement ma bande passante que je trouve que ça sert à rien. Je mets par exemple les dernières chansons, les chansons les plus populaires que j'utilise, dans mon iPhone pour avoir assez de place pour mes applications. Mais je ne mets même pas toute ma musique sur mon iPhone. J'écoute des podcasts ou les chansons que j'écoute, que je viens d'acheter. Fait que, moi, dans mon iPhone, j'ai les chansons que j'ai achetées récemment puis les podcasts que j'écoute. D'ailleurs, parenthèse, l'application podcast, c'est de la chenoute. Vraiment, là, je suis pas capable. Il y a eu une mise à jour aujourd'hui. Ouais, ben, en fait, c'était de la chenoute la première version. La deuxième version, c'était de la chenoute sur iOS Beta 2. Là. J'espère que ça va mieux parce que elle me lâche trois quarts du temps. Là, puis ça me prend 10 minutes de partir un podcast, là, littéralement. Oh. OK, c'est ça. Moi, je les télécharge pas. J'utilise carrément le iTunes Store. Mm-hmm. Et au lieu de les télécharger, tu appuies comme si tu voulais écouter le preview. Mais pour un podcast, vu que c'est gratuit, mais le preview, il est de au complet. Fait que tu peux écouter sur la 3G ton podcast au complet. Ouais. Moi, je les télécharge parce que... excuse-moi, Jeff, je finis. Mm-hmm. Moi, je les télécharge parce que, justement, il y a des émissions qui s'enlèvent tranquillement du feed RSS. Donc, je peux écouter les premières versions. Si je te donne à l'analyse des geeks, par exemple, ben, les premières versions ne sont plus disponibles. J'aime toutes les versions là, jusqu'aux dernières, mais j'ai voulu décider de réécouter toutes les émissions entièrement. Là. Oui, je suis freak un peu. Puis, j'ai été obligé de manquer, je pense, les 15 premiers épisodes parce qu'ils ne sont plus disponibles dans le feed RSS. Fait que c'est ça. Quand tu les écoutes en streaming, tu as le streaming pour que tu écoutes. Tandis que quand je les télécharge, j'utilisais l'application que j'ai développée pour l'analyse des geeks. Puis malheureusement, il y a des épisodes que je manque parce que je peux pas reculer dans leur feed RSS. Là. Okay. Vas-y, Jeff. De quoi que... Ouais, c'est ça, je comprends. T'es encore sur Beta 2? Ouais, je l'ai pas changé, mais je suis prêt de faire la mise à jour vers la 3. Hein. Là, c'est la 4 qui est sortie. Ah non, OK, ben, je suis sur la 3, mais j'ai pas fait la 4. Ah, OK. Mais... On peut-tu faire la mise à jour directement dans l'iPhone? Parce que... Ouais, over the air, tu peux. Parce que moi, j'ai jamais été capable de la faire over the air. Ben, c'est supposé de fonctionner. Ça se peut que tu te dises Beta 3, par exemple, parce que Apple a eu des petits problèmes cette semaine. Là, la version 4 est sortie, puis moi, ça m'affichait Beta 3. Okay. Ça me dit juste qu'il faut que je réessaye parce que ça fonctionne pas. Ah, il y a un bouton d'alerte. Okay. Je pensais qu'il fallait, on était obligé de l'installer directement au complet là, via l'ordinateur. Je l'ai téléchargé, je ne l'ai pas installé encore. Est-ce que tu es branché quand tu le fais à l'électricité? La dernière fois que je l'ai fait, la iOS 6 Beta 3, je n'étais pas branché puis ça marchait. Fait que la 4, je comprends pourquoi ça ne marcherait pas, mais non, je ne l'avais pas branché la dernière fois. Gars Vincent, dans le chat, Patrick Duchamp dit qu'il a eu le même problème que toi, puis il te donne sa solution qui a réussi. Là, fait que tu l'essaieras comme qu'il te dit. Là. Pour faire okay. En fait, et le rallye, simplement. Non, je le ferai après chaud. Excellent. Merci, Patrick. Prochaine question de André Cajolet. Depuis la mise à jour de Mountain Lion, je n'arrive plus à me connecter à messages sur mon iMac. Le système fait référence à un problème de connexion avec le serveur. Une solution? Je sais pas parce que j'ai toujours été branché sur Message. Là. Avec quel... Et de détruire les comptes, là, tu vas dans... Message, account, préférence. Préférence, compte. Et je détruirais, je recréerais les comptes. C'est peut-être un problème avec le keychain ou quelque chose comme ça qui cause problème. Moi, j'aime de plus en plus Message en passant. Je trouve que c'est une application très intéressante. J'ai configuré dedans le chat Facebook parce que c'est possible de le faire et le chat Google Talk aussi qui est possible de faire. C'est juste dommage que tu ne puisses pas faire de la vidéo. Bon, on sait que le système vidéo de Facebook, c'est Skype. Et on sait que le système vidéo maintenant de Google, c'est Google Hangout. Donc, c'est un petit peu dommage qu'on soit pas compatible avec Message avec ça. Mais c'est quand même une application qui est très intéressante. Et d'après moi, ils vont enlever Google Talk bientôt de Message. Je pense pas. Parce non? Que Talk utilise un protocole ouvert qui s'appelle Jabber et protocole qui est utilisé en entreprise, entre autres, si tu veux te monter un chat ou une messagerie interne en entreprise, tu télécharges ça, puis c'est super bien fait, tu peux faire un peu ce que tu veux avec ça, c'est comme un chat modulaire. Mm-hmm. Mais si tu le fais, en fait, ben tu lui donnes un autre domaine, puis tu lui dis seulement les gens qui sont à ce domaine peuvent se chatter ensemble, puis fait comme ça, tu sais, t'es sûr que le monde, il chatte pas à l'extérieur. Là. OK. Tu mets pas en place ton MSN. Puis, qu'est-ce que t'allais dire, Vincent? Comment tu fais pour mettre Facebook dans un message? Parce que j'ai regardé rapidement, puis l'option est pas là. Mais il y a Jabber, il y a différentes... Il y a Google Talk, mais j'ai pas vu Facebook. C'est via Jabber, c'est pas Facebook. C'est OK. Via Jabber. Et tu dois rentrer, en fait, tu trouves la recette sur Internet. Là, si tu tapes... en fait, cherche... Facebook in iChat, tu devrais trouver ton adresse. Tu vois, le serveur, une petite seconde. Le serveur de Facebook s'appelle chat.facebook.com et ton account name, c'est dans mon cas, c'est alexis.cornelier at, puis là, ben, c'est chat.facebook.com. Fait que le domaine ou le account name que tu dois donner, c'est chat.facebook.com. J'ai mis le lien sur dans le chat, fait que... OK, good. Excellent. On pourrait le rajouter dans les notes du podcast. Une autre question, Jeff? Attends un peu. On va descendre. Ah oui, ben là, ça, on va en parler, là, mais on n'en parlera pas bien longtemps. Est-ce qu'il existe une application pour downloader des torrents avec l'iPad? Non. Non, parce qu'on ne peut pas installer Ubuntu sur l'iPad, fait qu'on ne peut pas. C'est ça. Ça, ce serait la version courte. Non, parce qu'il n'y a pas de Finder, en fait, dans l'iPad. Donc, si tu télécharges quelque chose, il va se retrouver comme à peu près nulle part. L'autre à part si tu le jailbreak. Si tu le jailbreak, effectivement, il y a des applications qui te permettent de le faire. Mais moi, ce que je trouve peut-être, c'est, d'un côté... tu installes un ordinateur à la maison qui est toujours allumé et tu programmes ton logiciel de téléchargement ByTorrent pour scanner un dossier. Ce dossier-là, ce que tu fais, c'est que tu lui dis c'est un dossier dans ton dossier Dropbox et ce que tu fais, c'est que du côté de ton iPad, dans l'application Dropbox, tu peux rentrer un URL que tu as préalablement pris sur un site de torrent et il va télécharger cette URL-là, donc ce torrent-là, dans ce dossier-là, à partir de ton iPad. Mmh. Mais c'est ton ordinateur à la maison qui est en train de scanner ce dossier-là qui va donc lancer le téléchargement. Donc, moi, je pense que c'est la façon la plus simple de le faire. Sinon, il y a eu pendant quelque temps des espèces de télécommandes pour transmission, entre autres. Donc, je l'ai téléchargé, je n'ai jamais utilisé. Ça fonctionne juste en Wi-Fi, par exemple. Ah, en plus? Oui, ça fonctionne pas en 3G. Ouais, c'est pas si cool que ça. Et je l'ai téléchargé parce que je savais que ça allait prendre une couple de jours avant que ça disparaisse du App Store. Puis je sais pas si finalement ils l'ont enlevé. Elle est encore là. Elle est encore là? OK. Mm-hmm. OK. Fait que Apple est pour le téléchargement de Ubuntu. Ouais, mais il faut dire aussi que. En tout cas, je vais parler vite des torrents. Il faut dire aussi que Demonoid n'est plus présent maintenant sur la toile. A été fermé par l'Ukraine. Fait que, c'est un site ou un site client? Torrent, oui. Fait que c'est un peu poche, mais en tout cas. Fait que, c'est bien poche. Je ne peux pas aller chercher mon bon vieux Ubuntu 1080p quand ça me tente. Là. Fait que, sinon, faut que j'utilise The Pirate Bay. Là. Moi, j'utilise uTorrent qui est pratique pour télécharger mes fichiers Ubuntu. Mm-hmm. Puis, oui, effectivement, je télécharge vraiment des fichiers Ubuntu. Puis, il y a une interface HTML5 à remote.utorrent.com. Donc, vous pouvez passer via votre mobile sur ça si vous voudriez. C'est ce que Daniel nous mentionnait. Transmission aussi a un remote de disponible via l'interface web. Donc, ça peut être intéressant de regarder ça. By the way, j'ai un coup d'eau. à donner. En fait, c'est une série télé que j'écoute depuis quelques semaines. Ils sont rendus à l'épisode 7. Puis ça n'a pas rapport avec Apple, quoique tout le monde dans l'émission a une pomme quelque part. C'est Newsroom. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette série de HBO-là. C'est incroyable, c'est vraiment bon. C'est une série avec Jeff Daniels, qui est un très bon acteur, souvent mal utilisé. C'est lui, entre autres, qui avait fait Dumb and Dumber avec Jim Carrey. Donc, fallait quand même le faire, là, être capable de suivre Jim Carrey dans un délire complètement fou comme ce film-là. Et il fait un animateur de nouvelles là-dedans qui est de droite, qui n'est pas nécessairement très sympathique, mais qui est quand même attachant. Et en fait, les deux premiers épisodes, là, te campent les personnages. Et c'est pour te dire qu'eux, ils sont tannés de faire de la nouvelle, là, rapporter des niaiseries de chiens qui se sont fait couper une patte, puis des affaires, des crapauds, puis des trucs comme ça. Mm-hmm. Et le deuxième épisode, il fait une tirade, entre autres, use. Pas des médias en général, mais de la façon dont lui rapporte la nouvelle. C'est incroyable comme truc. Tu voudrais écouter ça. Tu voudrais entendre Bernard de Rome puis Pierre Bruno dire ça aux nouvelles. Et il y a, pour ceux qui ont vu Slumdog Millionaire, l'Indien qu'il y a là-dedans, très bon acteur. Et dans cette série-là, il fait l'espèce de whiz kid qui, justement, et sur Mac. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est chaque épisode est attaché à des nouvelles relativement récentes qui ont eu vraiment de l'importance. Fait que tu vois, en fait, la salle de nouvelles, quand elle s'est mise à bouillonner, quand, par exemple, il y a eu l'explosion de la plateforme dans le golfe du Mexique, là, où est-ce qu'il y a plein de pétrole. De BP. Oui, et un autre épisode, c'est sur Fukushima, quand l'usine nucléaire a meltdown, là, a fond. Mm-hmm. Puis récemment, tu vois, c'était à propos de Ben Laden, là, donc attraper Ben Laden. Donc, je vous le recommande, une excellente série. Je sais que ça sort un peu de notre cadre, là, mais... Regarde, moi, c'est... Ça fait un certain temps que ça existe, là. Je pense que c'est depuis 2006. IT Crowd, que j'avais jamais écouté vraiment, que je trouve vraiment drôle. C'est anglais, là. Fait qu'il y a à chaque c'est style anglais, là, 6 épisodes par saison. Mais c'est vraiment bon. Je vous conseille à tous et toutes. Bon, ben, dans le domaine de la politique, on a une autre question. Est-ce qu'il existe l'application iPhone pour la boussole électorale de Radio-Canada? Je pense pas qu'il y ait d'application. À connaissance, non, mais l'application est très... c'est-à-dire pas l'application, mais le site est très bien codé. Ouais. Vous pouvez y aller avec Safari, simplement, sur votre iPad. Je pense pas que ce soit... c'est peut-être en flash. Faut aller déplacer des visages à un moment donné puis aller les poster. Ouais. Donc, ce serait pas possible de le faire à partir... ou en tout cas, une certaine portion de la boussole, ce serait pas possible de le faire. L'avez-vous fait, vous, votre boussole? Non, pas encore. Je l'ai pas fini, moi. Oui, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait faire à D. Il l'avait fait il y a pas trop longtemps. J'ai dit, va la refaire. Puis il a fait comme, wow, où est-ce que je me retrouve? Puis il se retrouvait là un peu en haut, à gauche, là. Il y en a une gang qui sont là, là, puis ils te disent, ben tu rayonnes, puis tu touches à peu près à toutes ces parties. Que tu es en train de jaser avec Amir sur Twitter. Ben oui, c'est ça. C'est le fun, ils répondent en passant. Le Québec solidaire, c'est le fun. J'aurais posé une couple de questions, puis ils répondent sur le fly. Je sais pas c'est qui s'occupe de ce compte-là, là, mais ils répondent. Je voterai pas pour eux parce qu'ils sont indépendantistes, puis je suis pas indépendant, mais je trouve ça très intéressant. Ils sont intéressants dans leur dans ce qu'ils prônent, puis je veux dire, ils comptent pas niaiserie. Ce qu'ils défendent, ben ils le défendent au bout, puis je trouve ça intéressant. Voilà. Quand on parle de politique autrement. Ouais. As-tu une autre d'autres questions? J'en ai pas vraiment, non. Es-tu sérieux? Ben oui. Oui, il y a la dernière en bas. Pourquoi mes apps plantent sur... Ah. C'est une question qui nous a été posée sur Mac Québec Entraide par Marilyn Govert. Et en fait, elle nous explique qu'elle a plusieurs applications. Elle a installé d'abord OS X Lyon sur un Pro 2.66 Dual Core Intel Xeon de mai 2007. C'est probablement le dernier système que cet ordinateur-là va supporter. Elle parle de Skype 5.4 qui plante régulièrement. Faut savoir qu'en fait, on est rendu, moi j'ai fait une mise à jour tout à l'heure, on est rendu à 5.8, je pense. Ouais. Donc, 5.4, c'est une version qui date un peu. Et idéalement, en fait, ce serait de faire la mise à jour de tout ça. Vidéo Effect Light que je connais pas, mais j'ai comme l'impression qu'elle a une version qui date peut-être un peu. Parce que c'est sûr qu'il y a des mises à jour des logiciels, mais à un moment donné, quand ils passent d'une version à une autre, c'est qu'il y a un support qui est abandonné. Et la raison, c'est qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées dans ces logiciels-là. Quand on passe de la version 1 à 2, 2 à 3, et ainsi de suite, c'est qu'on est obligé de coder des nouvelles versions. Tu veux nous en parler, Vincent? Ben, ça, c'est pour Mountain Lion? Non, c'est pour Lyon, en tout cas. Lyon? OK, c'est bon. Je veux dire, tu sais, quand Apple fait une mise à jour à OS X Lyon, donc, de ouais. Il y a des nouvelles API qui sont disponibles, il y a des nouvelles métaphores, il y a des nouveaux features, tout ça. Puis les compagnies qui développent des logiciels, ben, tu sais, ils font. Bon, Apple a changé un peu la donne avec les App Store, mais ils ne développent pas ça comme pour rien normalement. Là, t'sais. Ben, t'sais, c'est la même chose que l'iPhone, les différents iOS, il y a des architectures. Une architecture différente, pas pour chaque, mais il y a un support différent, par exemple, d'iOS 3 versus l'iOS 6. Donc, si tu veux supporter les deux, il y a certaines options que tu peux ne pas avoir pour pouvoir supporter plusieurs choses. C'est la même chose pour les Mac. Justement, il y a des API qui sont nouvelles. Par exemple, dans Mountain Lion, il y a des notifications, il y a l'espèce de carré de sable sur certaines choses. Donc, tu ne peux pas utiliser... des options, tu sais, Soundboard, pour moi, il fonctionnait, Soundflower ne fonctionnait pas sur de Lyon à Mountain Lion, mais ils ont fait une mise à jour pour que ça fonctionne. Donc, il y a des API nouvelles, mais des API qui lâchent pour pouvoir supporter plus de choses, ce qui est normal. Je veux dire, si on supportait encore des vieilles versions de macOS X 10.1, 10.2, ben écoute, ça ferait dur encore, là, mais c'est le changement. Hein. Il y a des choses qu'il faut lâcher et des choses qu'on garde. Tu vois, dans son exemple, elle parle aussi qu'elle n'a plus accès à sa suite Adobe CS2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est rendu, là, ça vient tout juste de sortir, on est rendu à CS6 en ce moment. Et le taux de développement, la rapidité de développement de Adobe, c'est aux 2 ans où est-ce qu'ils sortent une version majeure. Donc, si on passe de CS6, qu'on enlève 2 ans, en 2010, CS5, on est en 2008 pour CS4. CS3, on est en 2006 et CS2 serait sorti aux alentours de 2004-2005. Donc, c'est normal, quand on est 8 ans plus tard, que des logiciels ne suivent pas, ne soient pas compatibles avec le système d'exploitation. Il faut vérifier avec Adobe et voir s'il y a une mise à jour qui est disponible. En fait, je peux répondre tout de suite à ça. Là. Il n'y en a pas. Pour CS2, c'est CS3 en montant, je pense. Hein? Oui. J'ai mis un site sur le chat qui répertorie toutes les applications de Lyon et de Mountain Lion qui sont compatibles avec les versions. CS1, CS2 n'est pas compatible avec Lyon, n'est compatible qu'à partir de CS3. Excellent. Et même si la personne continue à garder CS2, il y a des options que tu utilises dans CS2 que si tu envoies à quelqu'un d'autre pour travailler que CS5... Bien, il y a des choses qui va modifier que toi, tu ne pourras pas lire parce qu'il y a des standards qu'ils utilisent maintenant, qu'ils n'utilisaient pas avant, ou vice-versa, que justement, ils ont implémenté que la personne n'a pas encore. Là. Donc, il faudrait peut-être faire une mise à jour. C'est sûr que c'est cher comme fichier, là. On s'entend, là. CS, tout ce qui est suite Adobe, là. Ça coûte quelques milliers de dollars, mais peut-être... usagers, okay. Ou je sais qu'ils en vendent ils vendent les vieilles versions aussi, là, pas toutes, mais je sais qu'ils en vendent certaines Donc, ce serait peut-être intéressant de ce côté-là. Je vais faire mon pétage de coche et c'est absolument pas dirigé en fait vers la personne qui nous a posé la question. Mais tu sais, les gens ont tendance souvent à s'acheter des gros ordinateurs, des grosses tours, tu sais, puis se dire ah, ça va me toffer des années. C'est une très mauvaise façon d'acheter de l'informatique. Par exemple, en ce moment, si on regarde les Mac Pro que Apple offre, le processeur qu'il y a dedans, c'est un processeur qui date de 2010. C'est un processeur qui est excessivement puissant, mais pour beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, des iMac vont être plus intéressants. Et un iMac, le coût d'acquisition est beaucoup moindre qu'une tour sur laquelle il faut rajouter un écran. Puis habituellement, quand on s'achète un Mac Pro, on s'achète un écran de bonne qualité. Donc, la manière de faire, parce que on n'utilise pas, on n'achète pas un Mac Pro pour faire du Word puis aller sur Internet. Quand on achète une machine comme ça, c'est une machine de type professionnel. Et si on est un professionnel, qu'on fait de l'argent avec son ordinateur, avec ce qu'on crée, que la productivité, la rapidité, le workflow est important, ben, être encore avec une machine de 2007, c'est un peu se tirer dans le pied. Être encore avec des logiciels CS2 au lieu de CS5 pour la fiabilité, parce que CS6 vient de sortir, mais c'est encore en version 0. Ce n'est pas la meilleure idée là, d'utiliser ça pour la production. À ce moment-là, on a les dernières fonctionnalités, on a le dernier système d'exploitation, on a une rapidité, on a un support parce que tout le monde se retrouve à peu près dans ces eaux-là. Fait que c'est sûr que quand on se retrouve avec un ordinateur de 2007, un logiciel CS2, mais là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis il y a de moins en moins de monde qui peuvent vous aider avec ça. L'autre chose qu'il faut considérer, deux petits derniers points, c'est que d'abord, un ordinateur, quand on est travailleur autonome, s'amortit sur 3 ans à raison de 30 % par année. Ce qui fait que si vous achetez un ordinateur maintenant, dans 3 ans, le gouvernement va vous avoir remboursé 30 % par année, donc 90 % de la valeur de l'ordinateur. Mais l'ordinateur, lui, va valoir plus que 10 % de sa valeur initiale. Mmh. Vous le vendez, ça fait un cash down pour acheter un autre ordinateur que vous financez sur 3 ans et ou que vous louez. Là, bon, ça dépend de votre comptable. Puis maintenant, en fait, depuis CS6, il y a possibilité de louer les logiciels. Si vous avez Adobe, je crois que c'est CS4 en montant, vous pouvez obtenir CS6 pour la somme de 29,99 en vous abonnant à Creative Cloud. Et sinon, c'est 49,99 par mois. Donc, le mois que tu le payes, tu l'as. Le mois que tu le payes pas, tu l'as pas. Fait que si tu as des contrats à faire, des trucs comme ça, ben tu le payes pour le mois, l'argent rentre. Puis, bon, ben le mois que tu pars en vacances, tu le payes pas. Puis, ça te fait 50 piastres d'économiser. Voilà. Ouais, effectivement, c'est pratique. C'était pas payé comme pétage de coche? Ouais, c'est bien. Non, c'était pas un gros pétage. C'était juste bien regarde, dit. Moi je peux aussi me fâcher un peu avec macOS 6 Mountain Lion. Bon. Il y a plusieurs applications qui m'ont lâché, qui me lâchent un peu plus souvent qu'avant, comme Twitter. Ça m'a lâché, je pense, une vingtaine de fois depuis que je l'ai. Puis ça m'avait jamais lâché une fois l'application officielle. Date de 2011. Tu utilises l'application officielle? Dans Mac, oui. Dans Mac, ça va super bien. Ah, mais gars, télécharge au moins TweetDeck ou TweetBot, là. TweetBot. Elle m'avait jamais planté littéralement une fois depuis que j'ai Lyon, puis elle m'a planté à peu près 20 fois depuis que j'ai Mountain Lion. Fait, TweetDeck, c'est un peu plate, là. TweetDeck a été mis à jour aujourd'hui. Ah ouais? Oui, version 1.5.3. C'est des buffs, des nouveaux features? Il y a des nouvelles features avec les colonnes intégrées. Le gesture fonctionne maintenant. Avant, qu'il ne fonctionnait pas. L'icône, est-ce que ça va dans la barre en haut puis tu es averti dans la barre, un peu comme l'application officielle? Tu as une espèce de couleur qui est différente quand tu reçois des messages versus les tweets dans ta barre d'outils en haut? Pas TweetDeck, mais TweetBot, la dernière version 0.6.3. À cette heure, tu l'as dans le en haut à droite. Je sais que la première version ne l'avait pas. Là, mais maintenant, tu l'as. OK, bon. Je vais l'essayer. C'est malade. Tu peux faire les colonnes maintenant. Ouais. C'est pas parfait, mais ça clenche toutes les applications Twitter qu'il y a actuellement. Selon moi, là, pour faire de la veille, là, ça, qu'il y a Hootsuite, il y en a d'autres, là, mais moi, je trippe littéralement sur Tweetbot. Puis j'avais oublié de suivre ce que tu disais tantôt, mais un ordinateur, quand tu achètes ça, justement, ça va pas durer des années. Puis c'est un peu comme, on dit, ben, pour, dans mon cas, c'est un peu comme une auto. Je veux dire, tu peux pas ne pas aller au garage changer l'huile. Tu peux pas garder toujours tes pneus chaque année. Il faut que tu changes certaines affaires. Il faut que tu la répares. Il faut que tu l'upgrades. Moi, j'upgrade pas mon auto, mais je veux dire, je fais les réparations. Donc, il faut faire ça chaque année. Mon ordinateur, tu vois, j'ai un SSD, puis maintenant, je veux dire, ça clenche. C'est démarré en 12 secondes. J'aurais jamais cru. 45 secondes avant. Là. Fait que vraiment, passer d'un disque dur 5400 tours à un SSD assez rapide, même c'est ça torche. Là. Puis pour moi, mon ordinateur me dure encore une bonne année, deux ans. Si dans le fond, c'est juste le processeur que je peux pas vraiment changer. C'est parfait pour moi. Puis quand je vais avoir l'argent accumulé, ben, je vais m'acheter un nouvel ordinateur. Mais ça, il faut vraiment ajouter certaines choses puis nettoyer ton auto, ton Mac quand tu peux. Non, c'est ça. Regarde, moi, j'ai fait 4 ans avec mon MacBook blanc et il était vraiment sur le bord de... Ben, pas sur le bord de lâcher, mais tu sais, je pouvais même... De toute façon, j'aurais même pas pu installer Mountain Lion. Fait que c'est ça. Fait que normalement, c'est comme Alexis dit, c'est aux 3 ans. Tu sais, pour ceux qui travaillent avec, là, comme Alexis, lui, il travaille plus avec que moi, mais moi, je l'emmène des fois à job, là, mais je travaille avec à job, mais c'est aux 3 ans, un ordinateur. C'est sûr qu'un ordinateur, tu sais, le monde qui dit sur PC aux 3 ans, hein, c'est 600$, mais parce que sont pas pareils, les machines, hein. C'est comme, tu sais, quand tu achètes du Mac, là, OK, tu le payes peut-être 1500$ ton MacBook Pro, là, mais il va te toffer. Là, c'est comme c'est pas comme le petit Acer qui te vend à 400$ en spécial chez Future Shop dans le circulaire. Là, fait que c'est comme. C'est pour les personnes qui font juste du Facebook et du Twitter puis du message, là, mais le reste, là, oublie ça. Là, c'est comme, Mon MacBook Pro, il me dure depuis septembre 2009. Moi, il me date depuis un bout de temps. Puis, je veux dire, en ce moment, là, il va super bien. Puis, à cause de mon SSD, je peux l'utiliser encore un bon bout de temps là, avant de m'acheter un nouveau Mac. Mais je pense que mon prochain achat, je pense à un MacBook Pro Retina. Là, mais il faut que je m'achète. Malade. Ouais, je suis allé le voir, c'est fou. Fou. J'ai travaillé un peu cette semaine avec. Je l'ai recommandé à un client qui n'en avait absolument pas besoin, mais qui avait les moyens. mais il nous écoute. Qui est peur, hein? Et je lui ai montré à la vitesse à laquelle ça démarrait, parce que lui, il était avec un MacBook Pro avant, mais avec un disque standard. Et écoute, un demi-bon pour Word, puis l'application est ouverte. Voilà. Tu veux parler de rumeurs? Non, mais parce que j'ai vu ça passer dans les questions qui sont en bas à droite. Non. Vous avez-vous vu les photos? Moi, je suis allé les voir, mais les avez-vous vues? Oui. J'ai vu les photos. Il y a même eu quelqu'un qui a fait un rendu 3D, là, où est-ce qu'on s'approche très, très près, puis tout ça. Là, bon, il n'y a pas beaucoup de changements. Je m'attendais à ce que... En tout cas, on sait pas. Ce qui montre, les haut-parleurs changent, puis la prise, là, je pense que la prise, le dock connecteur change aussi, mais les haut-parleurs seraient différents. Je sais pas s'il va avoir un meilleur son, justement, quand t'as pas tes écouteurs, puis tu le mets sans écouteurs. Là. Ça peut pas être un boombox, là. Non, je sais. Je sais pas pourquoi ils changent ça. Je trouvais que c'était correct, là. Ça allait super bien. Les haut-parleurs de l'iPhone. Je ne sais pas si le son va améliorer quand tu vas parler par téléphone, parce que en fait, c'est plus le réseau qu'autrement. Là. Moi, Bell, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Là. Fait que la qualité du son passe par le réseau que tu utilises, là. Mais si ça peut améliorer. en tout cas, l'écran moi, aussi qui est plus grand, je pense. Oui, l'écran plus grand. C'est ça, en parlant de l'écran plus grand, avez-vous vu la nouvelle résolution qu'ils ont mis dans la version 4 du bêta 6? Non, c'était quoi? C'est du 640 par 1136. OK. Fait que, d'après moi, l'écran va ressembler à peu près à 4 pouces, là, peut-être 3,7, 4, là, parce qu'ils ont amélioré, le... La largeur, c'est 640, fait que c'est la même chose. Puis, ouais, c'est sur un 4 pouces, ça se pourrait. 1136, d'après moi, on se rapproche du 4 pouces de haut. Là. Fait que... 3,999 que M. Ducharme dit dans le chat, donc un écran de 4 pouces. Mm-hmm. C'est ce que lui aussi, ils ont fait les calculs par rapport au cover qu'ils auraient et tout ça. Fait que, écoute, l'écran d'un Galaxy S3, en termes de grandeur, là, quand tu l'as dans les mains, on a dit souvent au podcast que l'écran du iPhone restait à 3,5 pouces parce qu'on pouvait manipuler, opérer le téléphone d'une seule main. Parce que c'est bien important quand tu écoutes la porn. Puis, oreille chaste. Et 4 pouces, ben un peu moins manipuler tout l'écran. Mais un écran de Galaxy S3, là, c'est impressionnant. C'est grand quand tu l'as dans les mains. C'est agréable, c'est le fun. T'as l'impression de vraiment avoir plus de place. Fait que c'est sûr qu'Apple est obligé de s'ajuster. Mais s'ils vont jusqu'à 4 pouces sur l'iPhone, est-ce qu'il y a encore de la place, selon vous, pour un iPad mini? Est-ce qu'ils vont peut-être enlever le iPod Touch, pensez-vous? Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense pas qu'ils vont le retirer. C'est comme, tu sais, c'est comme, ils font beaucoup d'argent quand même avec leur iPod Touch, hein. Fait que. Moins, c'est pour ça. Quelqu'un qui a 12 ans, là. Ouais, c'est ça. Tu y achètes pas un iPhone, tu y achètes un iPod Touch. Ouais. Tu y achètes plus de iPod classique, là. Ou de iPod Nano peut-être, mais iPod Nano, je trouve que c'est un peu perdu de son utilité, là. À part l'espèce de petite pince que tu peux mettre partout, là, mais c'est pas si utile que ça. Y a-t-il une pince maintenant dans la dernière version? Je pense qu'il n'y a même plus de pince. C'est le Nano, ça? C'est lequel qui est touch, mais... C'est le Nano. Le Nano a un petit écran touch. C'est le Shuffle qui a une pince. Ah oui, c'est ça. En Shuffle. C'est le Shuffle qui a une pince. OK, ouais. Mais l'avez-vous vu, le Galaxy S3? Y avez-vous touché? Moi, je l'ai utilisé. J'aime pas Android. C'est pour ça que je ne m'achèterais pas ça. Parce que j'aime pas le feeling, mais... Écoute, NFC, l'écran super pratique, puis même il y a une espèce de voice, il y a une reconnaissance vocale qui se rapproche du Siri, là. C'est toujours comparable. Il y a des choses sur ce Samsung-là qui fonctionnent pas bien, qui fonctionnent bien avec Siri, vice-versa. Siri, des affaires qui sont weird. Puis ça fait un certain temps que tu peux démarrer tes applications avec le Samsung Galaxy S3 que tu pouvais pas avec Siri jusqu'à la bêta d'iOS 6. Donc, c'est un beau téléphone quand même, on va dire. Si je serais pas fan, ben pas fanboy, là, mais si j'aimerais pas Apple, là, je pense que j'irais sur ce téléphone-là, moi. Il est vraiment hot, je l'ai essayé chez Vidéotron, j'ai été me promener au centre-ville, puis j'étais arrêté à la boutique, puis ils ont en démo, tu sais. Puis je l'ai essayé, j'ai trouvé ça bien quand même, c'est très beau téléphone. Ouais, Dean va pas en venir qu'on bâche pas sur... Non, mais tu sais. Mais c'est vrai, tu sais, on n'est pas des. On est des Apple fans, mais on n'insulte pas non plus la concurrence quand on voit que c'est des nouveaux produits. Là. Je pense que je l'ai dit souvent à Dean, mais regarde, moi, Android, j'aime pas Android, mais les appareils qui sont là, c'est intéressant. C'est juste que s'il y a trop de diversité. C'est puis, ça. Puis Android, j'aime pas vraiment les effets des 5 fenêtres, puis l'espèce de widgets qui sont là-dessus. Des fois, ça bug, ou même les interfaces qu'ils rajoutent dessus, Moto Blur, tu sais, c'est des. Certaines affaires que j'aime pas, là, mais que iPhone, mais je comprendrais pas pourquoi ils rajouteraient une espèce d'interface de plus par-dessus quand c'est leur appareil. Là. Mais c'est pas intéressant. Oui, messieurs de l'analyse des geeks, je répète, là, je cite là, ce qu'il m'a dit. J'ai demandé, puis Android, et les mots qu'il m'a dit, c'est de la crise de marde. Qui ça? François, Frank Dattin. Je suis sûr que c'est ce qu'il m'a dit. Il n'était pas encore sous, tu sais. Fait que... Il est à 80% sympathique, Alexis. Ah non! Voilà. Journal cette semaine. Donc, puis l'autre chose que j'avais vu sur Twitter cette semaine, pour changer de sujet, c'est que le Google Now, si Google le met dans son application de recherche, ben ça va être sur 90% des appareils iOS et seulement 10% des appareils Android. Je trouvais ça très drôle. Mm. Parce que ça peut juste fonctionner sur Jelly Bean, puis que Jelly Bean n'est pas encore à... Ça, c'est un autre problème. Ouais. Autant, par exemple, le iPad premier, iOS ne peut plus être dessus. Je comprends parce que ça fait quand même un certain temps. Mais tu sais, un appareil qui est sorti, puis même Windows Phone, là, je pense le Lumia 900, qui fait quelques mois à peine, il n'y aura pas l'iPhone 8, l'iPhone, le Windows Phone 8. Donc, c'est un peu plate. Quand si l'iPhone 4S, il ne supportait pas iOS 6, on s'entend qu'il y a du monde qui serait fâché, là, dont moi, qui a iPhone 4. Fait que, en tout cas. Non, c'est pour cette affaire-là, là, c'est un choix qui a mis sur le cul pas mal de monde. Puis si je me trompe pas, Ben Gagnon, Ben de Geek, qui a défendu Windows Phone pendant quelques mois, c'est pas une année. Je sais pas s'il va pas être hésitant à changer vers un autre téléphone Windows là, à cause de ça. On avait une question qui est passée, qui est de M. Ducharme. Parce qu'il voulait savoir si son... SATA 3, puis il y avait une mention comme quoi la vitesse négociée était de 1.5. Oui, c'est normal. C'est juste le CD qui fait la vitesse 1.5, mais si tu rajoutes, comme moi, j'ai mon deuxième disque dur dedans, puis je suis tombé à 6, là. Fait que c'est juste ça. Okay. Il y a Éric Paquin qui nous dit qu'il trouve que son iPad 1 est tombé désuet très rapidement. Il l'a payé 900$. Ça veut donc dire qu'il a acheté le produit à 64 gigs et il se retrouve quand même avec un appareil qui est capable de contenir 64 gigs d'informations. C'est sûr que depuis le iPad 1, la mémoire a terriblement tombé. Puis je m'attends à ce que le prochain iPad soit de 128 gigs. Je ne sais pas s'ils vont aller là-dessus, parce que là, ça fait concurrence littéralement au MacBook Air. Si maintenant tu veux juste écouter des vidéos puis sur Internet, puis tu as besoin de plusieurs gigs, là, plus de macOS, t'as plus de besoin de Mac, d'un MacBook Air, un iPad 4, ça fonctionnerait. En même temps, les applications ont augmenté ont augmenté de grosseur à cause du Retina Display, fait que donner plus. Mais ça fait pas ça, je pense, c'est une croyance populaire là, mais puis les développeurs qui vont nous écouter, ça fait pas une grosse différence. Ça fait pas. À part des jeux, des jeux qui étaient assez élevés au niveau graphique là. Ça peut faire une différence, mais à part ça, là, vos applications, là, vous mettez la version la commerciale de X là, dans votre package de développement là, dans Xcode, puis ça fait pas grosse différence vraiment. Là. Moi, bon, on s'entend, je fais pas des applications de 300 MB. Là, fait que ça se peut que ça fasse un 400 MB là, peut-être, mais ça fait pas un gig quand tu as 300 MB avant. Là, c'est pas une grosse différence comme ça. Ça double pas. Ça double pas la quantité parce que. Non, c'est ça, ça double pas. Là. Excellent. Monsieur Ducharme qui nous informe qu'après avoir vu comment changer un lecteur optique par un SSD dans un iMac, il dit qu'il va laisser faire. J'avais pas lu iMac, mais effectivement, dans le iMac, c'est relativement compliqué parce qu'il faut créer un peu l'espace pour aller mettre le SSD. Quoique, Apple le vend avec un SSD, donc ils doivent mettre ce qu'il faut comme support à l'intérieur, mais juste débarquer la fenêtre d'un iMac. Oh, c'est... mon Dieu, j'aurais tellement peur. Ouais, parce que c'est plus une espèce de tapis, une espèce d'anti-électrostatique, là. Mm-hmm. T'es pas obligé d'acheter une entreprise qui coûte des milliers de dollars, là, mais il faut que tu achètes ça aussi parce que sinon la poussière rentre là-dedans. Puis il faut que tu achètes tes suces pour enlever la fenêtre. Puis ouais, moi je me risquerais pas. Non, pas trop. La fenêtre de 27 pouces, là, ça doit pas être donné. à racheter. Je pense, messieurs, que c'est ce qui va mettre fin au show. On est tous fatigués. Je trouve que ça a été un excellent show, by the way. Oui. Bon, c'est sûr qu'on a eu des problèmes techniques sur le podcast Mac Québec, mais deux, ça a été intéressant. Pas qu'on veut pas que tu reviennes, Vincent. Dans deux semaines, c'est sûr, mais ça change sa date. C'est assez intéressant de le faire comme ça. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce que tout le monde a fait sa demande, tu crois, Vincent, pour son application gratuite? Non, pas tout le monde. Pas tout le monde, mais j'en ai reçu quelques-uns là, que j'ai répondu avec un code. Manière à nous de vous remercier, en fait, de nous suivre comme ça chaque jeudi soir. Et si vous, de votre côté, vous voulez nous remercier d'être là aussi le jeudi soir et de partager comme ça humblement nos connaissances, vous pouvez, comme dans le cas de M. Éric Paquin de OrdiGénie, nous envoyer des disques durs de 240 GB SSD, ou bien, et on va le remettre parce que là, probablement que la fenêtre de Spreecast sur la page en direct le cache, mais il y a un bouton de donation. Vous pouvez faire une donation une seule fois ou plusieurs, ou même vous abonner, en fait, pour que on aille prendre un morceau de votre carte de crédit. Oui, mais je crois que Kim a détruit le code complètement. Elle a fait une copie de ta page. OK. Fait que tu vas la retrouver peut-être dans le brouillon quelque part. Là, fait que c'est ça. Voilà. Sinon, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Ben moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFRoy1979, sur Facebook, Google+. J'ai répondu à beaucoup de questions cette semaine sur le compte de Mac Québec. J'ai été assez fort cette semaine. Ça me faisait changement de voir les affaires politiques qui se passaient sur Twitter. Fait que j'ai mis comme ma deuxième ou troisième colonne. J'ai mis Mac Québec. Fait que je suivais tout le temps. Fait que je répondais en direct tout le temps. Tu sais, fait que c'est ça. Et toi, Vincent, on peut te retrouver où? On peut le retrouver sur les Twitter à DEVVMiller. Ou sinon sur mon site web vmiller.ca. Sur Twitter, je réponds. Là, si vous me contactez, je réponds assez vite. Moi, je suis un peu dans le sens... J'allais dire sans sortir horaire, non. Pendant que vous dormez, moi, je travaille. Puis quand... Le sens contraire. C'est ça, exactement. C'est-à-dire? Je suis un oiseau de nuit. Quoi? T'es Batman. Je suis Batman, oui. Je suis Batman, oui. OK. Bon, ça dérape, mais c'est ça, je suis Batman. Puis là, mon horaire va comme se rétablir là, dans les prochains jours. Je pour faire une parenthèse, j'étais camelot en même temps de continuer à travailler pour m'entraîner, pour me donner un boost. Parce que quand t'as un job la nuit, t'es comme obligé de te lever. Fait que finalement, ça me donnait une motivation pour aller courir. Puis maintenant, je trippe à aller courir. Fait que j'arrête camelot pour recommencer l'école, on s'entend. Fait que je vais arrêter d'être un oiseau de nuit. Là, fait que je vais pouvoir répondre en même temps pendant la journée. À vos questions sur Mac Québec. Puis sinon, vous pouvez me contacter à vmiller.ca si vous avez une application développée iPhone ou iPad. Je suis assez occupé, là, il y a comme une liste d'attente, une bonne liste d'attente. Donc c'est ça. Je dis bonjour à Martin Tremblay qui doit nous écouter aussi. On a une question, dans le chat et on va pas y répondre en long et en large, mais Daniel Labelle qui nous demande est-ce que la diffusion dans l'application en termes d'audio va être reprise. C'est dans les plans d'y revenir. On pourrait peut-être se donner d'ici le prochain podcast, peut-être pour réussir à fixer ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. Oui, dans le sens Vincent va s'occuper de ça. On n'est pas programmeur, hein, nous autres. En fait, c'était assez... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui roulent en même temps pour qu'on puisse diffuser ce qui est audio puis tout. Moi, j'avais plus vraiment le temps d'installer notre côté plateforme. Mais oui, ça va revenir, puis ça va revenir avec la vidéo aussi. Mais ça va revenir, je sais pas, pour le prochain podcast, parce que le cégep commence le 20 août. Là, mais on va essayer de pousser ça pour le prochain podcast ou dans deux podcasts. Là, on devrait avoir au moins l'audio, puis ensuite la vidéo. Comme assez poigné, pas poigné, là, mais faut que tu y retournes au cégep. Fait que... Ouais, je peux pas dire, OK, non, attendez une semaine pour le cégep. Ça, non. Non, c'est ça. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Vous pouvez aussi me retrouver au alexiscornelier.com, mon site web qui fut designé par mon cher ami Vincent Miller. Vous pouvez me retrouver aussi, c'est pas mal là, vous pouvez me retrouver sur le site de Mac Québec si vous avez besoin de quelqu'un qui vient à domicile pour réparer, nettoyer, vous conseiller sur vos prochains achats à Apple. Ça va me faire plaisir de venir vous voir. Donc, messieurs, on se dit à dans 2 semaines. Ouais. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.